A máxima é 16 graus. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia à la planète et la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Heureux de vous retrouver ce matin. On est là hein, jusqu'à 9h, côté météo, le ciel est nuageux, couvert de quelques rayons de soleil, quelques gouttes de pluie ce matin. Les températures sont plutôt pas mal, 26 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est le soleil qui sera de retour demain, mercredi, puis ce week-end, ça va se gâter un petit peu. Voici Kinvey pour bien démarrer cette matinée. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Ah, comment je

salsa latina del matin, ça sonne frais, le son de Camila Cabello, Bam Bam avec Ed Sheeran, 7h19. Courage à vous, si vous allez au taf ce matin, on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur en direct à la radio, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous nous appelez. Et puis tout à l'heure, la Fédération Française des Motards en Colère seront nos invités, Francky dans les studios. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir veiller. Il y a des stress de voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. Tu l'as enjoué comme un princesse. Mes yeux brillaient, c'est ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui sans faire de bruit. Simplement me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Jimmy Cassel avec Kay Figo, Kaynilele, pas facile à dire le matin. Côté météo, le ciel est nuageux ce matin, bah ouais, c'est comme ça. La météo. Ciel nuageux ce matin. Les températures sont plutôt pas mal quand même, hein. On va frôler les 25, 26, voire 27 degrés du côté d'Orléans, La Chapelle, Saint-Mémin ou encore Fayet-Hologe. Voilà. Aussi quelques petites gouttes de pluie, mais très timides. Mais ça devrait s'améliorer à partir de demain. Mais le week-end va pas être terrible avec des orages et malheureusement de la pluie. Rema qui arrive avec Calm Down et on adore. No, no, no.

fou. Y'a du soleil et des nanas. Jusqu'à 6h du mat, j'entends les pimpons, les pimpons, les pompiers. Ils sont fatigués, on n'est pas fatigués. Y'a du soleil et des Il y a du soleil, Eden. Ça nous rappelle les jeux culture, hein, dans les centres de vacances. Quel souvenir! Ah, on adore Yanns, c'est le nouveau. Il y a du soleil, Eden. Et puis le meilleur de la musique pour bien vous sortir de lit tous les jours. Barry White, qui nous a quitté il y a bientôt 20 ans. Eh, ça passe. My first, my last, my whole thing sur Radio France. 7h31, belle journée.

Ta radio soleil dès 7h avec Francky. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Votre réveil matin, c'est Francky. Et voilà, on est là pour vous réveiller jusqu'à 9h. Heureux d'être avec vous, c'est Francky jusqu'à 9h pile poil, 7h45, avec le dernier jeu du disco, la belle Juliette, notre invité, vers 8h15, 8h20. Ce sera Francky, qui est dans la Fédération Française des Motards en Colère. Il va nous parler de cette belle assoce et puis des projets qu'ils ont. Et puis, vous redécouvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la Fédération Française des Motards en Colère. Daddy Yankee qui arrive, du vrai son, ça fait du bien, un peu de soleil, c'est ce que nous dit Mathieu du côté de La Chapelle. Salut Francky, belle journée à toi, belle journée mon ami. Vous êtes à Orléans, vous êtes du côté de Saint-Privé-Saint-Mémin. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous 02 38 43 48 00. Du son tout en douceur avec Joy Jonathan, les petites choses. Les petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça

Cette belle reprise de Céline Dion par l'Orléanais Tiad, parler à mon père qui est mon invité prochainement. Ah ouais, et on l'adore. 752, le meilleur du son latin d'Eddie Yankee. Eddie Yankee, Doula, Doula, belle journée et bon réveil. L'Eurovision, c'était samedi. Et l'Ukraine qui sont arrivés number one avec ce titre, Kalush Orchestra et Stefania. Eh, pas mal. Ouais, j'aime bien, moi. Bon, malgré beaucoup de critiques, ouais, l'Ukraine, machin, machin, machin. Ouais, c'est pas mal, c'est sympatoche, en tout cas. C'est, ça pouvait leur donner un petit peu de soleil réconfort. Ça fait du bien, bravo à nos amis ukrainiens qui ont gagné donc cette finale de l'Eurovision 2022 avec Kalush Orchestra, Stefania, le son de l'Ukraine, ça fait du bien. Ah oui, Marquito qui arrive, vous l'adorez à la radio, au Lusitano. Belle journée et bon courage pour le taf aujourd'hui. Nada sem trabalho a demora, nunca é pecado, chegou a hora, já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer, a loucura do meu mundo que anda a viver, gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou, lusitano, cheio de amor, orgulhoso eu vou cumprir. casa em trabalho a demora. Nunca é sacada, chico a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu devo ser. Gosto do fim de semana. Le meilleur de la musique ce matin pour vous sortir du lit, pour aller au taf, ouais, direction le boulot pour Stéphania qui est connectée du côté d'Orléans, qui nous dit salut Francky, je vais au boulot ce matin, je me réveille avec un concert, ça fait du bien, un peu de soleil du Portugal. Kenji, bah tiens, ça arrive, le soleil, c'est de nouveau avec Bomba. Moins dans ce clip là, on entend plus Omer Adam, mais on aime bien sur Radio Arc-en-Ciel le tout nouveau Kenji Girac. 8h02, on est en direct à la radio, ça me fait plaisir de vous retrouver avec Francky. On parlait de l'Eurovision tout à l'heure, et bien il y a 6-7 ans, il est arrivé 7ème, pas mal pour le français Amir, j'ai cherché. Yeah. mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Gagné l'Eurovision il y a 6 ans, Amir, avec J'ai cherché, on aime bien cette chanson. On est heureux de vous retrouver ce matin, Radio Arc-en-Ciel, 8h06, l'ENACA qui arrive, belle reprise, il y a déjà 5 ans, de Umberto Tozzi, c'est Ti Amo. Ses ailes, tu t'envoles. menti, hein, menti. Eh, ça fait du bien, un peu de douceur dans ce monde de brut. Les Naka, il y a 4 ans, elle reprend Umberto Tozzi, Ti Amo, belle journée. Bon réveil sous le radio arc-en-ciel. Et puis lui, il sera en concert bientôt à Orléans. C'est le 9 juin, l'Orléanais qui cartonne sur toutes les radios pop rock. Voici mon poteau, Alex Le Bail. M'a frôlé presque en nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Plaisir de recevoir tous les matins sur Radio Arc-en-Ciel notre photo Alex Le Bail. Belle journée et bon réveil du côté d'Orléans. Si vous venez d'arriver, on est en direct. Et ouais, 7h12, non, on est loin. On va parler de motards dans quelques minutes avec la Fédération Française des Motards en colère. Francky qui est en invité. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00, le meilleur de la musique tous les matins avec Cœur de Pirate. Je vais m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra. Serrant dans ma main tes petits doigts, lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, qu'on puisse cacher le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Mistral gagnant. Un marché sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter. En arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères et les vrais rododos qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps et les mistral gagnants. Avec toi. On dirait 8h15 avec les Mistral gagnants. Ils sont sur la route toute la sainte journée aussi. La Fédération Française des Motards en Colère. Franck est notre invité dans 5 minutes. On va parler de la Fédé. On va parler aussi des événements qui a eu lieu ce week-end et puis qui vont avoir lieu. Il est dans le studio café, juste avant, sur la route. Ils y sont souvent les motards aussi de Palmas. De Palmas, ils y sont souvent sur la route. C'est les motards, on va l'accueillir tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. La Fédération Française des Motards en Colère, il est là, il s'appelle Francky. On a le même prénom. Bonjour Francky. Bonjour Francky, bonjour à tous. Ça va en pleine forme, pas trop dur, les invités le matin à la radio à 8h15, non? Non, ça va, après un week-end un petit peu chargé au Grand Prix de France au Mans, mais ça va, ça va. Ouais, on tout est va, bien. Tout va bien, on est bien. On est bien, un petit café dès le matin, avec le temps qui est plutôt pas mal aujourd'hui, on va dire. On est plutôt vernis, on va dire. Ça va, pour l'instant, ça... ça devrait se maintenir. La Fédération française des motards en colère, la Fédé, on va en parler pour faire un petit tour d'horizon. Justement, la Fédération française, c'est quoi de motards en colère? Alors la Fédé, c'est une fédération, c'est une association qui a été créée par les motards pour les motards il y a un petit peu plus de 40 ans de ça, avec le but du jeu, c'était rien de mieux qu'un motard pour défendre un motard. Donc crescendo, on s'est investi dans la défense des droits des motards et puis dans tout ce qui peut être infrastructure dangereuse pour les motards. On travaille sur les permis, on travaille sur plein de choses. On est agréé par l'éducation nationale pour faire des interventions en collège. Dans les collèges, ouais, pour c'est aider, bien. Aider les gamins qui apprennent et qui passent le BSR et tout ça. Parce qu'on sait très bien que un gamin de 14 ans qui fait de la mobylette ou du scooter, ça peut être un futur motard et puis que sa sécurité, c'est important. Et que nous, en tant que motards, quand on arrive dans un collège en moto, habillé en motard, et qu'on parle et qu'on parle avec un discours de motard, ça passe un petit peu mieux que quand c'est des gens de la sécurité routière ou de la police ou de la gendarmerie. Ouais, plus de politique, on va dire. Non, c'est pas ça, parce que de la politique, nous, on est obligé d'en faire, puisque on est, bien qu'étant une association apolitique, agnostique, on est quand même dans la vie de la cité, ce qui est le terme littéral de la politique. Donc voilà, on s'investit nous sur des sujets, on est convié au conseil départemental de sécurité routière, on a des stages de la FDM, donc l'association de formation des motards, tout ça, tout cet ensemble dépend donc de ce qu'on appelle le mouvement motard, et la Fédération française des motards en colère, entre autres, a créé sa propre assurance il y a maintenant un petit peu moins de 40 ans, parce qu'il n'y avait pas d'assurance moto qui couvrait vraiment le risque motard, et donc on a la mutuelle des motards qui existe, qui a été créée par la Fédé et qui est aujourd'hui la référence en termes d'assurance moto. Tu dis le risque motard, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de risques par rapport à un automobile? Certainement qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'on n'est pas protégé vraiment à 100%. Le risque, il est à combien? Tu l'évalues à combien toi aujourd'hui? Alors ça, je saurais pas l'évaluer. Ce que je sais, c'est que aussi bien toi que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui circulent sur la route, se rendent bien compte de la dégradation des chaussées, de la dangerosité de certaines infrastructures, que ce soit les ralentisseurs, que ce soit le mobilier urbain, pour éviter toutes les incivilités de stationnement à proximité des écoles, des commerces, dans les... Bon, il y a plein de mobilier urbain sur le bord de la route pour éviter que les voitures se garent. Et ça, en cas de chute, sur le mouillé, tu glisses, tu tombes. C'est un risque surajouté, parce que au lieu de glisser et puis de t'arrêter comme ça, c'est un poteau en ferraille ou une grille qui t'arrête, ça fait tout de suite beaucoup, beaucoup plus mal. Voilà, donc le risque motard, oui, parce qu'il est spécifique. T'as pas de carrosserie, tu reposes sur la chaussée par la surface de contact de deux pneus. Ça doit être même pas l'équipe. C'est moins grand que ton téléphone portable. Donc évidemment, s'il y a un peu de gasoil, s'il y a un trou, s'il y a une bouche d'égout, s'il y a une bande blanche, ça peut être dangereux. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que ton intégrité physique parfois peut être engagée. Justement, pour toi, l'amélioration se fait au cours des années pour la protection des motards avec la métropole, par exemple, avec les villes. Est-ce que vous êtes tombé sur des accords, ou alors ça continue à traîner un petit peu, malheureusement? Alors, je vais pas dire que ça traîne. On va pas les incriminer non plus, mais faut dire les choses des fois. Oui, tout à fait. Bon, puis c'est notre boulot, et puis on le fait, on se gêne pas de le faire. Mais on a quand même avec les pouvoirs publics des relations de travail qui sont intéressantes. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, on a organisé ce que nous on appelle le motard d'un jour, où on emmène en balade des élus locaux, des responsables de la voirie, des responsables des routes. Et donc là, on a organisé mardi de la semaine d'avant, on avait parmi nous des gens du conseil départemental, responsables des routes départementales, responsables sécurité, des chargés de mission. On avait une dizaine de personnes donc de la métropole et du conseil départemental que l'on a emmenés en moto. Avec comme, un casque et tout. Comme des motards. Bah, ah, ils ont vu les choses en réel. On les équipe intégralement. Mm-hmm. Un casque, gants, blouson et tout. On leur demande de venir avec jean et chaussures montantes pour être sûr de leur sécurité. Et on les emmène faire un tour pour leur montrer des infrastructures qui sont bien, parce qu'il y en a aussi. Il faut le dire. Certains rails de sécurité qui sont doublés avec la jupe sur l'accès de l'autoroute et tout ça. Donc ça, ce sont des bonnes choses. Des ralentisseurs qui sont conformes, il en existe. Donc là, on leur fait quand même un petit peu le poil dans le sens du poil. Et puis, on les emmène après aussi sur des structures non conformes. Beaucoup moins sécures. Quelles sont les structures les moins sécurisées aujourd'hui? Alors déjà toutes les glissières de sécurité dangereuses dans les courbes. Normalement, la législation, le code de la route, enfin ce qui est utilisé par les services de voirie, ils ont des codes pour valider certaines infrastructures. Normalement, tout devrait être doublé. Les rails de sécurité devraient être doublés avec les jupes anti-encastrement, parce qu'il faut quand même savoir que c'est la première cause de mortalité des motards. Hein. Ouais. Les motards qui passent sous les rails et qui se font décapiter. D'ailleurs, si on appelle ça des guillotines à motards, c'est pas par hasard. Donc, il y a des choses qui avancent, il y a des communes, il y a des métropoles qui avancent bien, qui évoluent. Donc bon, bah voilà, c'est une bonne chose. Nous, notre boulot, c'est de les emmener, c'est de leur faire voir, c'est tout. Et puis, de les sensibiliser. On a eu des réactions de modifications d'infrastructures consécutivement à certains motards d'un jour. On organise ça de façon régulière tous les ans et on les emmène, on fait un suivi derrière, on fait un suivi avec eux. C'est aussi dans ce genre d'action constructive, d'échange, de partage que l'on acquiert une certaine respectabilité et une certaine... Une reconnaissance de notre expertise par rapport à la sécurité et c'est comme ça qu'on a été convié à siéger au conseil départemental de sécurité routière pour apporter un avis éclairé par rapport à des sujets qui nous concernent et puis surtout qui concernent la santé, l'intégrité physique de milliers de gens, quoi. C'est parce clair. Que on ce, que l'on fait au niveau des motos, enfin d'ailleurs nous on défend les deux et trois roues motorisées, donc que ce soit du scooter, du petit gars avec sa mobilette, ça 103, il y en a encore des 103, ouais, un bon vieux 103 SP, hein, comme à l'époque, comme à l'époque. Donc non, mais c'est sûr que voilà, elle est... Tu prends un endroit qui est magnifique. Je veux dire, la ville d'Orléans aujourd'hui a été refaite. Le cœur de ville est magnifique. C'est un plaisir de flâner par là. C'est super. Sauf que quand tu abordes les pavés qui entourent toute la cathédrale avec les bons grosses pierres sur les bords justement pour pas que les voitures se garent et tout ça, et que tu arrives, ça a même pas vraiment besoin d'être mouillé pour être glissant. Il suffit juste qu'il fasse un tout petit peu frais. Ouais. Bon, c'est du patinage artistique. Ah, oui. On le voit même en voiture. Enfin, moi, je roule en moto, mais comme 80% des motards, j'ai aussi une voiture. Et quand tu passes là-dessus, ça glisse, ça bouge. Et puis c'est vrai que là, en cas de chute, c'est dangereux. Ah ben parce qu'il y a tout le mobilier urbain qui est autour, qui surajoute un risque. C'est ça. Parce que bon, glisser, tomber. Ça arrive. Voilà, tu vas glisser sur le cul pendant 3 mètres et puis tu te relèves, c'est fini. Sauf que si au bout d'un mètre tu heurtes un objet vertical contendant, ça peut faire très très mal, bien sûr. Les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent devenir motards, qui sont en scooter en ce moment, la sécurité a évolué, parce que moi dans le temps j'ai connu la mobilette, il n'y avait pas les gants, le casque, bon c'était un peu casque à l'ancienne, hein, on mettait des casques non homologués, maintenant tout est homologué, j'espère pour les jeunes qui conduisent d'ailleurs, les gants, le casque, ça c'est vraiment la priorité pour toi, sur ceux qui démarrent dans la vie du motard, sur les scooters, les petits jeunes. Alors la priorité pour moi c'est que les usagers parce que des fois il faut être honnête, hein, les scooters ils font un peu n'importe quoi entre guillemets, les jeunes. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous depuis 40 ans on défend les vertus de l'éducation. l'éducation. Si tu expliques à un gamin qui se met en danger que de rouler en short et en tong, s'il tombe, ce sera dangereux, sera tout. Nous sommes attachés à l'éducation, à la formation, à la sensibilisation, plus qu'à la répression. Mmh. Moi, je trouve regrettable que l'on ait obligé, que l'on ait rendu obligatoire le port des gants. Pourquoi ? Parce que comme tout ce qui est obligatoire, en face, on met un arsenal juridique, on va te retirer des points, on va te mettre une amende, alors que le principe même du permis à points, c'était par rapport à la mise en danger d'autrui. Mmh. Si tu as un comportement dangereux sur la route et que tu mets en danger autrui, tu peux être sanctionné d'un retrait de points sur ton permis et au bout d'un certain nombre, ne plus avoir de permis. C'est ça. Quelque part, ça se tient dans un monde de partage de la route. Le fait de pas mettre des gants en scooter ou en moto, si tu tombes, c'est tes mains que tu vas abîmer. C'est pas celle du voisin, et je connais personne qui soit mort de s'être gratté juste les mains sur le bitume. Ouais. Donc, mettre une sanction de points et un arsenal de PV de et tout derrière, je trouve ça stupide. Alors qu'en revanche, je trouve tout aussi stupide de rouler sans gants. Mais si on explique juste aux jeunes, aux motards et aux autres, moi je connais pas de motard qui roule sans gants. Moi non plus. Je te parle de motards. Hein. Évidemment, de temps en temps, t'as bien des kékés en short et en tong parce que il fait chaud, parce que machin, qui roule en scoot et qui sont avec des casques de vélo ou des casques de roller, torse nu en short. Bon, ces gars-là, nous, dans on les appelle les pizzas parce que c'est comme ça quand ils ont fini de tomber, qu'ils sont bien secs, qu'ils sont bien grattés, bien brûlés, bien saignants, ça ressemble bien à une pizza. Ouais, dangereux. Donc Enfin, moi, je trouve que rien ne remplacera la vertu de l'éducation. Si t'expliques à un môme que pour sa santé, pour son intégrité physique, il y a des objets, il y a des éléments, des équipements qui sont indispensables, eh ben, on fait avancer le schmilblick. Si, en revanche, on met une interdiction, une obligation, une interdiction et du PV et du point en sanction en face, eh ben on génère des comportements rebelles parce que on est quand même aussi tu parles justement du un peu les rebelles les motards du permis à points. Aujourd'hui la facilité c'est aussi de perdre des points, de faire des stages. C'est-à-dire, tu fais un stage, tu récupères 4 points, tu repars en gros. C'est 4 points par an, hein. Ouais, par an, oui, c'est pas un stage par an. C'est mais par tu an. Les récupères et tu peux continuer à rouler. Mais tant mieux, oui. Parce qu'il y a des gens. Moi, je connais énormément de personnes qui se mettent dans une situation de danger au niveau de leur permis parce qu'ils perdent un point par-ci, un point par-là, parce que tu te fais choper à 84 au lieu de 80, choper à 54 au lieu de 50, 52 même. Moi, je comprends que tu perds un point, t'en repères un autre. Il faut 3 ans pour récupérer des points. C'est catastrophique. Je veux dire, tu perds 2 points sur un excès de vitesse ou sur un truc. Pendant 3 ans, si tu n'as aucune infraction, tu vas récupérer tes 12 points. Si malheureusement tu te refais choper à 54 km/h pour 50, c'est reparti pour 3 ans. C'est ça. Donc, je pense que aujourd'hui, en plus, les gens, on est dans une région où quand même on a de la ruralité, où les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler, ont besoin d'un véhicule, ont besoin de tout ça. Il y a un moment où, heureusement, on peut refaire un stage et récupérer 4 points, parce que souvent, on a quand même le sentiment de se faire racketter. Quand tu te fais choper pour un excès de vitesse. Comme tu le disais, à 51 au lieu de 50, ça fait des bons. Quand t'as 51 retenu. Ouais. Parce que t'es passé à 55, 56 devant le radar. Ça fait les boules, hein. 55, 56, t'as franchement pas en plus l'impression de rouler. T'es pas un danger public. Faut être honnête. Non, faut être honnête. Bon, après, c'est le principe d'une limite, hein. Il y a une limite. Oui, c'est ça. Sinon. Mais malheureusement, la disposition des radars qui était soi-disant faite pour la sécurité des gens, on a quand même parfois un petit peu de doute à se demander si on est dans une logique de sécurité ou dans une logique de rentabilité. Moi, j'ai mon avis sur la question. T'as ton avis. Alors, Stéphanie qui nous pose la question, pourquoi la Fédération Française des Motards en colère? Pourquoi en colère? Pourquoi pas une Fédération de Motards joyeux? Mais on est joyeux. On est joyeux, mais simplement. Pourquoi préciser en colère? Il y a 40 ans, à l'époque, de Giscard et de tout ça, c'est on le salue, il est toujours là jusqu'à juin. Oui, il nous coûte bien assez cher, on s'en rappelle qu'il est là. On se rappelle quand même qu'à l'époque, c'était pas il faut tuer du motard, mais c'était presque ça. Les choses, heureusement, ont évolué depuis le temps, mais notre nom n'a pas changé, et puis il faut quand même pas oublier que la colère, c'est un sentiment qui peut être très constructif. Bien sûr. C'est pas la colère à tout casser, c'est pas la colère. Mais moi, quand je vois certaines infrastructures routières, quand je vois certaines Là, tu en parles beaucoup des infrastructures, ça te Ah, bien sûr, mais c'est ce qui tue, mais c'est ce qui tue le motard. C'est ce qui tue le motard. Donc, que ce soit, quand je dis infrastructure, que ce soit les poteaux de rails de sécurité, que ce soit les bandes blanches de passage piéton qui sont à la limite des ronds-points, des virages, ou qui sont sur les zones de freinage au niveau des feux ou au niveau de l'accélération. Quand on repart du feu et tout ça, c'est tout ça qui surajoute du danger. Et c'est vrai que notre cheval de bataille, c'est la sécurité, c'est la défense des motards. Donc effectivement, le problème de l'infrastructure, c'est quelque chose qui nous touche à cœur. La colère, est-ce que vous êtes aussi en colère face aux automobilistes, entre guillemets? Il y a des bons conducteurs, des mauvais conducteurs. Il y en a qui jouent le jeu quand on vous laisse passer. Il y en a qui Il y a pas de colère. Nous, on est dans une politique de partage. Colère entre guillemets. Hein, on est dans une politique de partage. De la route. Nous, quand on est en colère, c'est quand on s'adresse à des gens qui, effectivement, ne nous prennent pas en compte et ne nous écoutent pas. La colère, quand tu vois des infrastructures, des chaussées pourries, défoncées, dégueulasses, ouais. Ça, moi, ça me fout en colère. Mmh. Quand t'apprends que un motard est tombé, s'est blessé... Parce que nid de poule, parce que raccordement de bitume, les chaussées aujourd'hui. Ça c'est pas facile à gérer toutes les chaussées quand même. Hein. C'est des points à signaler aussi, et c'est d'autant plus difficile à gérer que certaines dépendent de la métropole, d'autres dépendent des communes. Parce que t'appelles la métropole, il dit oui mais c'est pas nous, c'est machin. Il dit bah non, faut qu'on voie avec l'urbanisme, faut qu'on voie avec. Non mais c'est un dossier complexe quand même. Un enchevêtrement. Même les gens qui travaillent au service des routes, ils sont courants, mais ils sont obligés d'aller chercher. Ouais. Quand on leur dit, tiens, il y a telle route là, à tel endroit, il y a un problème au niveau de la chaussée. Pourtant, on voit souvent Conseil Général, signalez-nous un lit de poule, signalez-nous une chaussée déformée. On voit souvent des pubs. Et puis il faut pas leur jeter la pierre. Hein. Ils travaillent dessus. Sur la route, ça va être dangereux. Ils travaillent dessus quand on leur signale un point noir, ce qu'on appelle les points noirs. Il y a une investigation qui est faite par leur service et il y a une réaction. Le problème, c'est que ça coûte une blinde et que le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent. Je pense que ils ont de la bonne volonté, ils ont juste pas le pognon pour leur faire. Et pour autant, ça n'excuse pas l'état des chaussées. Il faut quand même savoir qu'on est passé de la première place au niveau route à la 18e place. Ah, les 18e en France. Non, mais la France, qui avant était le modèle. Le modèle des routes. Était le modèle des routes. En quelques années, on est passé à la 18e place. On a quand même le bonnet d'âne. Ah, c'est clair. Et on le voit tous les jours. Je veux dire, on circule tous les jours. Moi, je circule avec une moto qui est quand même, on va pas dire confortable. Mais j'ai mal au poignet. C'est quoi comme moto? C'est une Harley? Je roule pas en Harley, j'ai pas les moyens. Je sais pas que ça coûtait cher, moi. Je roule avec une moto, une Honda, un grand tourisme sport. Ouais, sympa, ça. Qui est fait pour faire de la route. Mais pour autant, les routes dans les agglomérations, c'est défoncé. T'es venu en moto ce matin? C'est détruit. Non, je suis lourd, j'habite à 500 mètres, donc j'ai fait l'effort, je suis venu à pied. Ah, à pied? Ah, bah, ça fait du bien pour le sport. Voilà. On va parler de belles choses, tiens, on va parler de choses que vous organisez, des rassemblements, des rendez-vous, et vous en avez fait un, c'était ce week-end, je crois, Francky, beau rassemblement, et la semaine prochaine, un beau rassemblement, je crois, c'est pour Manon, une petite. Explique-nous un petit peu, on parle de la semaine prochaine, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, oui, parce que en plus de notre action pour la défense des motards... Vous êtes les anges de la route. Non, pas vraiment, mais on a certaines, on essaye de s'investir dans certaines causes caritatives. Donc, Manon, c'est une histoire avec la Fédé depuis maintenant un certain nombre d'années, par l'intermédiaire de l'amitié qu'elle avait avec un de nos collègues de Montargis. qui un jour nous a dit tiens Manon, pour récupérer de l'argent, donc c'est une petite, c'est une jeune, parce que au début c'était une petite, maintenant c'est une jeune femme. Elle a quoi, Manon? Elle a un problème de maladie génétique rare, un problème de, c'est une maladie d'Edler dans l'os, donc c'est un syndrome qui atteint ses muscles, ses articulations et tout. C'est quelque chose de très très invalidant, de très gênant, et puis comme beaucoup de maladies orphelines, ils sont aussi orphelines de la prise en charge. Donc on a organisé, son association a organisé un jour une balade moto où on est venu leur filer un coup de main, et puis de fil en aiguille, c'est nous qui aujourd'hui assurons la sécurité, l'organisation du convoi pour que tout le monde puisse se balader en sécurité. Avec les forces de l'ordre, avec donc tous les motards qui participent, ouais. Et chaque motard, pour participer, donc fait un don à l'association. L'intégralité des dons sert à aider pas uniquement Manon, mais l'association qu'elle a montée, ouais. Et toutes les personnes qui vont autour. Dans le même chapitre, on a aussi des copains qui sont à la Croix-Rouge pour lesquels on organise une balade. Toujours pareil, l'esprit elle-même, hein, c'est que tous les motards qui veulent venir participer, fédés ou pas fédés, surtout viennent, participent à la collecte de fonds. Et puis on va se faire une petite balade sympathique, voilà, et on passe une bonne journée, et on fait une bonne œuvre. D'accord, ça se passe. Donc voilà, on a Manon, on a la Croix-Rouge, et puis on a aussi Courant. Là, c'est ce week-end là, Manon. Manon, oui, c'est. C'est où? Manon, c'est le week-end prochain, c'est à 8h30 au lac de Chalette. Chalette-sur-Loing. Ouais, c'est à Chalette. Bon, sur les réseaux sociaux, tapez balade pour Manon et tout le monde va retrouver. Si vous avez une bécane, allez faire un tour. Tout le monde va retrouver, hein, ça. Bon, c'est que même, c'est un événement aujourd'hui qui est connu, ça draine pas mal de motos, pas mal de motards. Ça permet pour l'association de récupérer des fonds, et c'est une très bonne chose. Voilà, des belles choses que vous faites en tous les cas. Et ce week-end, vous étiez où ce week-end? Alors ce week-end, c'est tellement de choses, la Fédé. Il y avait le Grand Prix de motards, moto GP au Mans. Ouais. Donc on organise un relais Calmos. Donc c'est un relais qu'on met sur le trajet de retour, avec l'Intermarché de d'Ouzouer le Marché. Qui nous met à disposition l'électricité, un petit peu d'intendance, et puis qui nous permet d'avoir le parking à côté de sa station service, qui permet aux motards de s'arrêter, de faire le plein, et puis gratos. le plein gratos, c'est chez les bisounours. Ça serait bien, hein. Moi, tu vois le prix de l'essence, il y aurait du monde à la pompe, c'est clair. Non, mais par contre, nous, ce que l'on faisait gratuitement, c'était d'offrir un petit café. Ah ouais, c'est bien, de ça. Nettoyer les visières, vérifier les pressions de pneus, éventuellement une petite réparation s'il y avait besoin. Donc et puis là, cette année, parce qu'on a des gars qui sont bien investis, il y avait aussi un stand crêpe et tout ça. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour se restaurer. Il y avait donc les motards, ouais, qui voulaient s'arrêter, faire une petite pause sur le chemin de retour, ils avaient un relais Calmos où ils étaient accueillis, bichonnés. En tout cas, on en apprend plein ce matin sur la Fédération française des motards. Voilà. Mais non, on n'est pas juste dans la rue à manifester. Non, il y a pas et à embêter les gens. Et à gueuler, certains samedis après-midi. Il faut venir les voir à l'extérieur. Voir mais ce faut, se passe. Faut surtout savoir que quand on est dans la rue et qu'on est en manifestation, c'est que déjà avant. Il y a un problème. Avant, toutes les solutions de discussion, de négociation et de tout pas ça abouti. N'avaient pas complètement abouti, ou on n'avait pas été complètement pris au sérieux, et que bon, on était obligé de faire voir que l'on pouvait mobiliser du monde. On a fait des manifestations sur Orléans où on a jusqu'à 1500 motos. Ah ouais, quand même. Bien ça. C'est quand même sympathique, hein. Voilà. En tout cas, ce matin, on en a appris beaucoup sur la Fédération française des motards en colère du Loiret. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu, Francky. Eh bien, ça me fait plaisir à toi que tu m'aies invité. Bah, de temps en temps, faut que tu viennes en parler, hein, quand il y a des événements. Nous, on est là pour ça, relayer un peu l'information dans le Loiret. Avec grand plaisir. Hein, et au moins, les auditeurs, on a beaucoup de motards aussi qui nous écoutent. Pas forcément en moto, mais dans les bagnoles, comme tu le disais, ils prennent leur bagnole pour aller bosser souvent la semaine. Hein, ouais, parce que la moto, c'est pas toujours facile aussi. Hein. Bah, le matin, quand il pleut, par exemple. Bah, c'est une question de choix. Après, il y en a qui disent on est motard, on roule sous la pluie, sous le vent. Ouais, bon, c'est une question de choix. C'est pas pratique quand même, hein, la flotte. Hein. C'est pas le plus simple, mais c'est pas non plus le plus désagréable. Non, voilà. Voilà, mais quand tu fais juste quelques kilomètres pour aller bosser, c'est sûr que t'as pas envie d'arriver pourri. Trempé, tu me bien bureau, d'accord, machin, et passer le restant de ta journée comme ça. Nettoyer. Non, non, non, évidemment. Un dernier mot, Francky, je te laisse le bas. Le mot de la fin, même le mot du début, depuis tout à l'heure. Un dernier mot pour la Fédé. Eh ben, notre devise, c'est plus nombreux, plus fort. Donc, moi, j'invite tous les motards qui ne nous connaissent pas ou croient nous connaître et en fait se rendent compte que non, eh ben, de venir à notre contact, de venir nous voir. On a nos locaux qui sont dans les locaux de la Mutuelle des Motards au village moto à Olivet. Ouais. On a une réunion mensuelle tous les premiers vendredis de chaque mois. Et à 20h, et ben, on leur donne rendez-vous, ceux qui veulent venir, c'est ouvert à tout le monde. Découvrir aussi. Adhérents, non-adhérents, et puis il y a peut-être des gens qui vont se dire que, ben, ils peuvent faire quelque chose et servir à quelque chose, parce que, ben, on sait tous que le premier geste militant, c'est d'adhérer. Parce que, faut quand même pas oublier que, plus nombreux, plus fort. Plus on est nombreux et plus on a de lisibilité et d'écoute quand on s'adresse à un politique local, qu'on va le voir. Si on représente 10 personnes, il rigole. Ouais. Si on lui dit qu'on représente 2 ou 3000 personnes, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. On n'a pas la même oreille. Donc voilà, venez nous rencontrer. Village Moto à Olivet, dans les locaux de la Mutuelle. Et un rendez-vous mensuel tous les premiers vendredi de chaque mois à 20h, et sinon le reste du temps, vous passez, vous laissez un numéro de téléphone à Mathieu, le patron de la Mutuelle, il nous relaie ça, il nous l'envoie, on est sur les réseaux sociaux, on a un site internet, n'hésitez pas, FFMC 45, Fédération Française des Motards en Colère, voilà. Mais pas que, parce que on a aussi certains moments... T'aurais dû rajouter le petit logo à côté, mais pas que. Non, parce qu'on a aussi, on a un deuxième logo dans FFMC qui est Fédération Française Motards et Citoyens. Voilà. Et voilà. Vous êtes citoyen. Et ça on est citoyen, mais on sait, comme tous les citoyens, qu'on peut aussi être en colère. Et voilà, bah, tu vois, ce matin, j'en ai appris beaucoup plus et ça me fait plaisir de vous avoir reçu en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Merci, Francky. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tous. Bonne journée. La Fédération Française des Motards en Colère, c'était notre invité, Francky. Radio Conseil en direct ce matin, là, l'arrivée de Jean-Pierre dans moins de 10 minutes. Il était sympa le petit Francky là. On a bien discuté, hein, vous qui voulez connaître un petit peu les motards, bah voilà, on en sait un petit peu plus ce matin sur la Fédé. Amir qui arrive, et puis Daddy Yankee, et puis Jean-Pierre dans moins de 7 minutes. Arc-en-Ciel en direct ce matin. Ça me fait plaisir de l'avoir reçu, la Fédération Française des Motards en Colère. Et lui, il est en colère aussi ou pas? Salut JP. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Ah, il est sympatoche, le Francky, hein. Ouais. Moi, j'aime bien recevoir des mecs, hein, qui sont intéressants. Tu discutes avec lui pendant des heures, là. Ah, sans problème. Là, on est là jusqu'à 10 heures, hein. C'est parce qu'on parlait en antenne. C'est pour ça qu'on mettait des titres vite fait. Ça va, JP? Ça va, et toi? Le week-end a été bon, tranquille? Très dur. Mais alors, au niveau de la fatigue, bien entendu. Ouais, bien sûr. Voilà, mais de la bonne fatigue. Eh ben, tant que c'est de la bonne fatigue, c'est l'essentiel. Alors, je vais te remercier parce que tu m'as ramené du liquide de refroidissement. Alors, moi, ça compte ma vie. Non, mais je vais t'expliquer. Je suis arrivé à la radio et le truc de la voiture, il s'est allumé ting-ting. Donc, voilà. Tu vas me dépanner ce matin. Comme ça, la voiture, elle est à froid. Je vais pouvoir remplir un petit peu. T'as bien raison. Et puis après, je la ramènerai, s'il faut, au garage, qu'elle sort du garage, quand même. Je connais un garagiste. Non, mais je me demande s'ils sont trop billets d'en mettre. C'est la question que je me pose. Mais bon, merci pour ton petit bidon, je te ramènerai dès la semaine prochaine, y a pas de problème. Écoute, je t'en prie. Comment il va bien? Disque à la demande, des trucs à vendre ce matin? Ouais, des offres d'emploi. Ah, et puis, enfin du boulot. Oh, bon, et puis, toujours. Et puis, un appartement à louer à Porto, du côté de Porto. Il est pas mal. Pour les vacances. J'ai vu les photos, pas mal du tout. Disque à la demande aujourd'hui? Oui, c'est au 02 38 43 48 00. Et ben voilà. Si vous voulez écouter un titre, ben JP il a tout dans sa playlist. Quand je vois la taille de la bibliothèque de la radio, on a tout faire. Bon, on n'a pas les clés, mais bon, on peut faire. Oui. On n'a pas les clés. On voit à travers les vitres. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est le côté pratique. Mais on peut les admirer tous les jours. Tous les jours, je vois ces CD là, ça, c'est impressionnant. Hein, la bibliothèque de la radio. Bon, le temps aujourd'hui, t'as vu, c'est nuageux. Hein. Oui. Alors moi, alors sincèrement, je me suis dit, je vais mettre un pantacourt, un truc sympa, tu vois. Ouais. Et quand j'ai ouvert les volets, j'ai dit, ben non, on va mettre un petit jean, ça fera pas mal. Ouais. Et puis voilà. Alors qu'hier, on était dans une piscine. Ah, mais voilà. C'était lourd, hein. Ah oui, oui. Bon, ok. Bon, ben JP, on va y aller, mon ami. Si ça marche. Bien. Je regarde, je sais plus quel bouton appuyer. C'est sûr que là. Appuie sur tous. Normalement, il y en a un qui va fonctionner. Ah ouais, normalement, si j'appuie sur les pubs, ça devrait aller. Salut, à tout de suite, JP. À tout de suite. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Norme Alec SARL, empresa geral no setor da eletricidade terciária e industrial há 15 anos. Na continuidade do nosso desenvolvimento, procuramos pessoal para uma nova equipa autónoma para realizar os nossos projetos em Orléans. A nossa última referência local é a renovação completa do Museum em Orléans. As vagas de emprego estão disponíveis de imediato, as licenças elétricas e KSS são uma vantagem. Se deseja juntar-se a nós, num ambiente familiar ou mais informações, pode contactar-nos através do telefone 02-38-59-2039 ou enviar o seu CV para o seguinte endereço: recrutement@normielec.fr.